jwenn papa mwen ki an gwo nan siel la. Se yon separasyon ki toujou difisil, nou te konnen yon jou kan menm fòm te ale. Mwen te kontan pou m'avek tout frè ak sèm yo. Se bon diye ki rele ou pa karete Mize maladi stres la vi fini pou mwen Si nou te kone jan mwen bien nou pa ta priye pou mwen Le arrive, le arrive, le arrive pou mwen jen papa ki oro Ki bay li vle li pran matison Se li menm ki deside tout sa li vle fè Tout moun konsyan jan goumè an ba maladi Ou pa ta ka reziste ak sa bon li vle Nou di ou mersi belout pou tout sa ou fè pou nou Sel bon diye konen sa ki nan ken nou pou Nou te impuisan pou nte kaba ou la